milieux urbains. France, pourquoi tu veux qu'on se prostitue? J'ai mal à la prostate, mais en prod, prostapette et gros stat. Niquez statistique, clic, clac, citadistique, j'ai de quoi fournir un gros stat. Hystérique dans l'air, en vie statique, type né en prod, stané, la prostate. Né en trop stané, scam, en gros stop, né en bâtard, pour pas que la prostate. Dans ce putain de champ, pas de cigale, j'prends pas tes putains de champs. Balance le putain de chambre, j'avance d'un pas de cigane, pute. On se prend une putain de chambre. Corde vocale, Kalioskaï, frappe orale, bite Kalioska. J'm'accorde à niquer la chorale. Tu le bites d'une, elle bitume d'une. Comme d'habitude, écoute, parce qu'on a tous rêvé de monter en gradin, prendre place sur le terrain, quitter les gradins, putain de poids de soudé, un avocat des bracelets soudés, barbelé trop de fils de hupe qu'il faut dessouder, c'est triste à dire, mais nous découvre souvent les faux amis tard. Au prétoire, devant le juge quand tu sors du mitard, sur un lit d'hôpital, j'use mes cordes vocales quand je vois mes frères qu'on l'estomac qui jouent encore de la guitare. Pire cauchemar, un sale rancard qui finit sur un brancard. Mes frères s'entretuent et les ch'tards se marrent. Au bout de la rue, tous la même grina, car ça pue la guina sans lieu. L'odeur de sang de loup coule sous les ponts de la Médina. Dans ce putain de champ, pas de cigale, j'prends pas tes putains de champs. Balance le putain de champ, j'avance d'un pas de cigane, pute. On se prend une putain de champ.